Bonjour à vous qui tombez sur ma voix. Je suis contente que vous m'écoutiez. Oui, qui que vous soyez, je suis bien contente que vous ayez trouvé, par hasard, ma bouteille à la mer. Même s'il ne s'agit pas littéralement d'une bouteille et que vous ne l'avez certainement pas trouvée dans la mer. En tout cas, merci. Merci d'avoir ouvert ce qui, je crois, est un message. Alors voilà. Je vis sur une île. Mon île est loin d'être déserte, mais c'est une île quand même. C'est pourquoi il me semblait approprié d'intituler ce message « Une bouteille à la mer ». Même si ce message n'est pas à proprement parler une bouteille jetée à la mer, ni un appel au secours non plus, je ne suis pas à proprement parler une naufragée. Mon message est une bouteille à la mer parce que mon île n'existerait pas sans la mer. Mais voilà, je n'ai pas pu jeter ma bouteille dans la mer, et c'est bien ça le problème, parce que la mer, celle qui fait exister mon île, elle a disparu. La mer a disparu et personne ne sait pourquoi. Elle avait toujours été là et puis un jour, ses eaux ont reculé, reculé encore, jusqu'à l'horizon, et puis encore plus loin, jusqu'à ce qu'on la perde de vue complètement. Depuis ce jour, elle n'est jamais revenue. Quand la mer s'est retirée, elle a emporté toutes sortes de choses avec elle. Des coquillages, des bouteilles, des épaves, du bois flotté. Et aussi les sirènes, les dieux et les géants. Pourtant, ils appartenaient à l'île. C'est ici qu'ils sont nés, c'est ici qu'ils ont grandi. Et si les gens pouvaient s'accommoder de la disparition de la mer, ça a été plus compliqué pour les sirènes, les dieux et les géants. C'est du moins ce qu'on m'a raconté. Moi, je n'étais pas encore née quand la mer s'est retirée. Je n'ai jamais vu de sirène, de dieu ni de géant. Parfois, je me demande même si ce n'est pas les gens d'avant qui les ont inventés. Parce que sur mon île, on peut trouver des traces de la mer, des coquillages, du bois flotté et même quelques sorcières pour en témoigner. Mais de sirène, de dieu et de géant, aucune trace. De toute façon, on n'en a plus besoin. Ils nous servaient uniquement de rempart à la mer. Mon île est très belle. Il y a du vent, des étoiles, des loups et beaucoup, beaucoup de monde. Quand l'île a créé les sirènes, les dieux et les géants, nous sommes devenus plus forts que les loups, plus forts que la mer elle-même, si forts que nous n'avons plus besoin de personne. Aujourd'hui, les loups ressemblent à des chiens et les coquillages, le bois flotté et les sorcières ne sont plus utiles sur l'île. Avant, on faisait des colliers avec les coquillages et on brûlait le bois flotté avec les sorcières. Il paraît que ça sentait l'iode, la corne et la viande grillée. Mais ces feux-là, on a arrêté de les allumer. Je n'ai jamais porté de collier de coquillages et jamais non plus senti l'odeur de la viande grillée, ni entendu le chant des sorcières qui appellent la mer dans les flammes. Mais les sorcières chantent encore. Elles appellent toujours la mer. Plus pour éteindre les feux, non. Juste pour que la mer revienne. Mais comme tout le monde a oublié comment c'était au temps de la mer, plus personne ne les écoute, les sorcières. Quand la mer s'est retirée, les gens qui savent ont remplacé les sirènes, les dieux et les géants. Les gens qui croient ont cru aux gens qui savent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'un grand savoir pour devenir quelqu'un qui sait. Savoir danser dans un joli costume suffit. Ce qui compte surtout, c'est d'avoir assez de gens qui croient en la danse et le joli costume pour élever un danseur au joli costume au rang des gens qui savent. Du coup, devenir quelqu'un qui sait n'a plus autant de valeur qu'avant. Peu après le retrait de la mer, avec les bouteilles, les épaves, les bois flottés, les sirènes, les dieux et les géants, c'était plus compliqué. Il fallait savoir beaucoup de choses pour prétendre au rang des gens qui savent et remplacer auprès de ceux qui croient les sirènes, les dieux et les géants. Mais comme le savoir lui aussi a grandi, c'est devenu trop compliqué aujourd'hui de tout savoir. Alors on est devenu moins regardant. Les gens qui savent doutent et ont plus de peine à se faire entendre. Les gens qui croient préfèrent se retourner vers des choses plus simples comme au temps des sirènes, des dieux et des géants. Du coup, les gens qui savent rapetissent et les gens qui croient grandissent. Qu'ils croient aux danseurs avec le joli costume ou aux anciens dieux. Il y a même des gens qui croient aux gens qui croient. En eux-mêmes, quoi. Comme les gens qui savent ne savent plus qu'un tout petit bout du grand savoir et que les gens qui croient peuvent croire en n'importe quoi, il devient de plus en plus difficile de trouver un point commun qui relie tout le monde. À part le fait qu'on vit tous sur la même île, et que depuis le retrait de la mer, plus personne ne veut mourir. Et c'est bien ça le problème, vous comprenez? Comme plus personne ne veut mourir, il faut faire très très attention, et à force de faire attention à tout et tout le temps, la vie a perdu de sa saveur. Même pour ceux qui seraient d'accord de mourir, ils doivent eux aussi faire très attention, attention aux gens qui ne veulent plus mourir. Je ne sais pas comment le dire mieux. C'est moins drôle de vivre sur mon île. On s'ennuie. Il y manque quelque chose. Et je me suis mise à croire, comme les sorcières, que ce qui manque, c'est la mer. Alors, je me suis mise à attendre la vague, la grande vague qui annoncerait le retour de la mer. Comme je n'aime pas attendre sans rien faire, je me suis mise à chanter, comme les sorcières. J'avoue que j'ai quand même de la peine à croire qu'un chant puisse faire revenir la mer, mais je n'ai pas trouvé de meilleures idées alors. J'ai commencé par de petites vocalises, plutôt traditionnelles. Yolai, yolai, yoli, yolai, yolai, yoli, yolai, yolai, yoli, yolai, yo. Mais j'ai très vite trouvé cela très ennuyeux. Alors je me suis mise à chercher de la poésie. Je suis le chant et je suis le cri des milliers de gens à naître et mourir aujourd'hui. Je suis le vent. Et je suis la fourmi, le rêve incandescent d'une horde d'assagis. Et cette multitude crache son bruit blanc dans la solitude des îles de notre temps. Et la fourmi ulule son couplet assourdissant. Sa race pullule et couvre le bruit du vent. Et c'est là que vous intervenez. Je pense que vous pouvez m'aider. Pour le moment, ça ne marche pas. Rien à l'horizon, la vague ne vient pas. Je n'ai peut-être pas trouvé la bonne formule. Alors si vous cherchiez, peut-être que vous trouverez, vous, le bon chant pour que la mer revienne. Essayez. S'il vous plaît. Essayez.